Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'avais annoncé sur notre page Facebook un petit peu plus tôt dans la journée et dans l'émission d'hier soir, on va parler de musique, on va parler de rap avec l'association MC Connection qui est avec nous Connection, ce soir. Connection. Eh oui. Yeah. Vu que j'ai dans le studio Big V, bonsoir Big V. Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Radio Gémozo, la radio des Gnagos. Il y a Mick aussi qui est avec nous. Bonsoir tout le monde. Drex qui est là vu qu'il sort son album. Bonsoir. Salut. Drex. Salut tout le monde. Et qui dit émission musicale dit Mika. Bonsoir Mika. Salut. Alors ça va être une heure pleine de bonne humeur, une heure pleine d'entrain et une heure pleine de musique et de rap plus particulièrement. Ouais, parce qu'on est en double fil donc pas plus d'une heure, après on a un PV. Mais si vous êtes là ce soir, c'est surtout pour mettre en avant Rex qui sort son premier album le 1er décembre, c'est-à-dire dans deux jours, si je ne me trompe pas, à l'heure où on fait le direct. C'est ça. Ton premier album qui s'intitule Disso, c'est bien ça, Rex ? Disso, ouais. Et avant qu'on en sache plus sur toi, c'est vrai qu'on a reçu l'association MC Connection il y a un petit moment, je crois début du mois de mars. Alors je voulais qu'on prenne deux, trois nouvelles, donc si t'es partant, Big V, Mick aussi. On peut peut-être voir comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Eh ben écoute, ma foi, l'association évolue bien dans le bon sens. On a, l'association a eu l'occasion de présenter là en début d'année un open mic au Galuron, feu le Galuron, le bar qui a malheureusement fermé ses portes à Saulxures-sur-Moselotte. Ouais. On a aussi, à la médiathèque de Vanier, voilà, pour le festival des arts mélangés, c'est ça. Autour de la culture urbaine. Mmh. La fête de la musique au Tio aussi, on a intervenu, de même que le forum des associations de Saint-Amé. Et donc voilà, on a sorti une mixtape qui est sortie là en début d'année, une prochaine mixtape qui va arriver dans quelques mois. Début d'année. Et puis là, voilà, la première sortie studio de notre ami Louis, tout en autoproduction, du travail fait maison. C'est pressé dans les Vosges en plus, donc un produit local qui plus est. Donc voilà. 100% Vosges. Et l'association, on a déniché entre guillemets des nouveaux talents pour venir alimenter un peu le vivier artistique qu'on a sous la main, avec des nouveaux MC qui se sont rajoutés un peu. Au contingent déjà existant, on va dire, et donc ça évolue dans la bonne direction, des bonnes surprises, voilà, donc une mixtape qui va arriver dans le courant de l'année prochaine, un peu de t-shirt, voilà, une tournée avec Jay-Z, avec voilà, une signature chez Def Jam France, enfin voilà. Non mais en tout cas, l'association commence à avoir un peu plus de visibilité aussi et commence à avoir des projets qui soient protéiformes mais qui vont toujours dans la même direction, comme disait la Secret Connection, jamais toujours dans la tendance mais toujours dans la bonne direction. Ah oui, parce que je le rappelle, l'événement au feu Galuron, c'était le 10 mars, c'était pour le lancement de l'association si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Il y avait beaucoup de monde et puis on voit déjà qu'en quelques mois, de mars à, on est en novembre, donc en 7 mois, ça a déjà pris une certaine ampleur. Ça, oui, voilà. On évolue gentiment. Chaque chose en son temps, ouais, en forgeant qu'on devient forgeron, voilà, effectivement. Et puis donc voilà, on espère pouvoir écouler les 7 millions d'albums qu'on a demandé au tirage pour l'album de Louis, donc on croise les doigts. On verra bien, ma foi. Ouais. On attend de voir avec notre contact américain ce qu'il va en dire. Donc beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets. Et oui, comme vous le disiez, ça y est, Drex a sorti son premier album. Alors Drex, forcément, tu seras le sujet de l'émission de ce soir. Il nous reste encore 55 bonnes minutes pour te mettre en avant. Pause musicale comprise, bien sûr, vu qu'on a, enfin, on nous a donné quelques inédits. Track exclu. Ah oui, qu'on aura hâte d'écouter. Vous êtes les seuls sur Terre à en profiter aujourd'hui, messieurs dames. Oh là là, et j'en profite pour faire un petit teasing. Plus vers la fin de l'émission, on aura droit à un freestyle. Ouais. En live. Effectivement, effectivement. Ouais, à l'antenne, donc ça fait beaucoup de choses, hein, en espérant que les éditeurs soient aussi enthousiastes que Mika et moi. Mais Drex, on va commencer pour en savoir un petit peu plus sur toi. Ça fait combien de temps que tu fais dans la musique ? Depuis que je suis tout petit. Depuis qu'il se drogue. non, bien avant. Non, depuis que j'ai 10, même avant, j'ai toujours touché à tout, musicalement, la guitare, piano, batterie surtout aussi, beaucoup, chant. Puis j'ai commencé à faire des prods sur ordi quand j'avais genre 12-13 ans. Puis j'ai jamais lâché, quoi, jamais. Et c'est dès le début que tu t'es dirigé dans le rap, parce que je rappelle, MC Connection, c'est une association très culture urbaine et orientation quand même pas mal rap, même si c'est vaste, mais je veux dire le tronc principal. Le socle commun de l'association, c'est effectivement, nous chez MC Connection, c'est effectivement de mettre en avant, en lumière des MC, des artistes locaux. Et effectivement, c'est un peu le tronc commun, le socle commun de l'association, c'est de mettre en avant des artistes du coin, leur permettre d'enregistrer, voilà, d'avoir une petite famille qui s'agrandit au fur et à mesure. Et voilà, on a rencontré notre ami Drex, ça va faire quelques temps maintenant, et on est bien, bien content qu'il fasse partie de notre écurie. On va se faire du pognon sur ta gueule, mon gars, je te le dis. Et ça c'est un peu le jeu, hein, tu le savais, André. T'as signé. Mais en tout cas, non, ça nous fait vachement plaisir et très chaud au cœur de pouvoir un peu participer à la sortie de son premier album avec l'association, quoi. Et du coup, pour répondre à la question, non, pas du tout. J'ai pas du tout commencé par le rap. À la base, j'étais plutôt métal, rock, truc comme ça. Et après, j'ai dévié plutôt sur du son de teuf, carrément. Mental, hardcore, acide, et puis voilà. On va pas inciter les jeunes à ça, attention, hein, c'est pas le but de l'émission, bien évidemment. On passe un peu partout, quoi. Oui, tu passes un petit peu partout, tu peux un petit peu étayer tes propos. Kétamine, LSD, méthamphétamine, crack, subutex. Ah non, mais je parlais absolument pas de drogue. Et tu parlais de musique, pardon, excuse-moi. Je parlais de drogue, on s'essaye à tous les genres, quoi. Je parlais pas tant, enfin. Et dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire de la musique ? C'est son addictologue qui joue. T'as l'enfoiré, quoi. Non, qu'est-ce que ça représente ? Bah, énormément. Je pense que sourd, je me serais déjà sûrement buté, à mon avis. Je sais pas. Tu passes combien de temps par jour ? Par jour, au moins 4-5 heures par jour à faire du son, et ça depuis que j'ai 13-14 ans, quoi. Ça a toujours été, ouais. Il y a combien de chômeurs en France actuellement? Et ces sons que tu fais, que tu passes quand même 4-5 heures par jour à faire, alors tu as dit plus tôt que tu as fait de la guitare, de la batterie, du piano aussi. Tu es toujours sur ces instruments-là? Moins souvent, piano j'en fais de temps en temps, batterie plus, c'est vraiment super rare, et puis guitare de temps en temps aussi quand même. Donc, ouais, ça m'arrive quand même. Et sur ton album, est-ce qu'il y a de vrais instruments? Alors sur mon album, malheureusement non, parce que j'ai pas le moyen d'en enregistrer, en fait. Du coup, c'est que de la compo sur ordi, quoi. Mais tout est de moi, il y a pas de sample, il y a pas de... Comment ça se passe alors, la compo sur ordi? Déjà, tu as un logiciel de préférence sur lequel tu travailles? C'est ça, ouais. Alors, je travaille sur FL Studio. C'est un séquenceur, en fait, dans lequel on peut absolument tout faire. Tu as des packs de samples, des batteries, des sons de batterie, des sons de piano, de guitare, des synthes qu'on appelle, c'est des bruits, en fait. Et puis, voilà, on compose avec ça, quoi. Est-ce qu'on peut retrouver dans cet album, ton premier qui sort samedi, tes influences du passé, hein, tu viens de nous le dire, notamment rock, etc. Ou alors c'est du pur rap? Je pense que c'est pas du pur rap, ouais, il y a quelque chose d'un peu psyché, mélange d'influence là-dedans quand même. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, peut-être l'auditeur de rap qui aura la chance d'avoir entre les mains la galette de notre ami Drex, il sera un peu surpris dans le choix des productions, des instrumentales qui tournent sur le CD. On est quand même dans quelque chose d'assez qui change résolument de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap, et on sent vraiment des grosses influences qui soient vraiment diverses. Où ça peut aller très bien vers du trip-hop, de l'électro, vers du drum and bass. Non. Pas drum and bass, pour faire toutes tes conneries de musique de drogué, quoi. Enfin, c'est ce que je voulais dire, mais en tout cas, il y a des influences diverses et on est loin quand même de juste du boom-bap classique. Ouais. Merci Big V. C'était un test de Schrödinger que tu nous faisais là. Non, pas du tout. C'était un petit signe pour dire qu'on va peut-être s'écouter un premier morceau musical pour découvrir cool. En fait cet univers intitulé Je m'arrête jamais. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve. C'est un feat avec La Fine Gâchette, ouais. Miyagi, big up à eux, et Solo aussi, big up à lui. Ah bah super, donc on s'écoute Je m'arrête jamais et on se retrouve juste après. Jamais de donner mon avis. Pour faire partie de l'équipage, va falloir monter dans mon navire. Je m'arrêterai jamais de gratter des phases. Ce monde est comme mon plat, pas traité, il est fade. Je m'arrêterai jamais de donner mon avis. Pour faire partie de l'équipage, va falloir monter dans mon navire. Lève le pied sur la fume, car ma tête s'en tue pas. A chaque fois j'assume, mais quand y'a l'ardesse en tue balle, il faut que je m'accroche. Comme un alpiniste, peu de gens ne m'approchent. Je suis cet homme au visage sinistre. Je n'arrêterai jamais d'être défaitiste. La suite la connaît, dans ma tête il y a que des faits tristes. Il faut que j'arrête de réfléchir et que je balance la purée. Y'a des occasions à saisir, mais ma chance va pas durer. Je monte vite en pression et j'ai envie de tout péter. À force de fumer trop pilon, j'en ai perdu le goût de l'été. Et mes choix, quels sont les bons et les mauvais? Je me dis des fois qu'au bout du compte, je fais ça pour les lever. Je m'arrêterai jamais, passer le micro à mes sauces. J'ai pas l'humour à Jamel et ni ce qu'il croque en pesos. Pour la dernière mesure, je t'offre une rime gratos. Accompagné de mes gars sur on goûte et s'exprime sur le matos. Je m'arrête jamais de me mettre la tête des mecs. Je m'arrête jamais de gratter des couplets, non. Je m'arrête jamais de rapper avec les refrains check. Je m'arrête jamais, je m'arrête jamais, je m'arrête jamais de me mettre la tête des mecs. Je m'arrête jamais de gratter des couplets, non. Je m'arrête jamais de rapper avec les refrains check. Je m'arrête jamais, non, je m'arrête jamais. Trapper pour ceux qui n'ont pas le temps de croire en Dieu. J'emmerde le rap jeu, pour moi c'est du sérieux. Wesh le gueux, tu baisses ta zine et tes inqueux. Dans la vie je patine, je pars en tête à queue. MC tête à claque et ça depuis tout petit peu. Man, partage, fais pas ton rapace. Passe le spliff, foutu de la courtasse. J'casse ton kiff, j'suis pas ta pétage. Brasse pas de fric, j'parle pas, j'rime. Pas de mini misogyne, j'suis l'époque des copies de style d'antan. L'époque est docile au smoke, tout sous le même missile. Franchement, faut que j'arrête le bar. Les bites qu'on l'a cuite à boire. Les va-et-vient au pissoir, ou de faire le gros au comptoir. Jamais j'm'arrête, j'm'arrête jamais de lever mon godet. Ouais, j'm'arrête jamais de passer le chromie au refrain. J'arrêterai jamais d'être con, j'arrêterai jamais le son. J'arrêterai jamais de me perdre, j'aurai toujours des questions. J'arrêterai jamais d'être angoissé, noyé dans la flemme. Souillé, brouillé dans ma tête, couillé, poulet dans la fête. Dès que j'étise les petits culs, j'm'en occupe pas. J'veux des gros joints, c'est tout. Laisse-moi siroter ma putain de barbare. Et puis va te faire foutre, non j'arrêterai jamais de boire. Le rap c'est de la poésie, rythmé dude. Rien à voir avec ces gros débiles, vive des nudes. Sale petit con, t'es beau, t'es riche. Oui mais nous le sommes sur un plan ésotérique. Je dis toujours que je m'enfonce, c'est pour donner le mauvais exemple. Je veux de la visibilité juste pour que vous fassiez pas comme moi. On est putain de pur, même en ACAP on les descend. En connexion, pas de fausse allure ni de gros salaire à la fin du mois. Toi non plus, tu supportes pas l'autorité. Toi aussi, t'as la haine quand on se croit au-dessus de toi. Toi aussi, t'as juste envie de lui dire suce-moi. Excuse-moi, je n'avais pas d'autre idée. On est le fond du putain de trou, on va faire un putain de trou dans l'oreille de toi. Je suis resté un gosse, donc j'en mets une couche. Je suis resté un gosse, y'a que la vérité qui sort de ma bouche. Écoute pas ce que je dis, s'il te plaît, non mais tu te mêles de quoi? Je m'arrête jamais d'avoir du pain sur la planche. Je m'arrête jamais de gratter dans le silence en mode scred. Jamais dans la tendance. Je m'arrêterai jamais de kicker avec sens, yeah. Je m'arrête jamais d'avoir avoir du pain sur la planche. Je m'arrête jamais de gratter dans le silence en mode scred, jamais dans la tendance. Je m'arrêterai jamais de kicker avec sens, yeah. Encore une merde à gérer, un texte à gratter, j'arrête pas de me plaindre. On dirait une femme enceinte, la flamme je viens l'éteindre, ton avenir suffit pas de peindre. Non non, alors ouais, alors bouge-toi le huc, n'écoute pas les buts qui vont vouloir te dicter le truc pour devenir le duc. J'ai tendance à zapper les opportunités, j'ai rien d'un mec civilisé, je me renferme pour gratter des textes que personne ne va écouter. Pas grave, on commence à s'habituer, aller voir se déshabiller pour délever ma plume et comme mes boules toujours entre mes pattes. Quand on déboule on les épate, ils ont zappé des étapes, palpé moi le solo. Mais aujourd'hui on est quatre, on n'arrive pas mollo gros. Est-ce que tu capes, ils se disent bonhomme, des bêtises hors normes. Nous on kick sous 10 mais y'a pas mort d'homme. Et on veut changer la donne, et on veut changer la donne. On vit une passion hors norme. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir ou discuter avec nous, vous pouvez passer par notre page Facebook Radio Gemozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Il ouais, faut préciser que si c'est que pour dire des bonnes choses, si c'est pour critiquer, il n'y a pas besoin d'appeler. Hein. Alors, non, non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Si tu veux, en effet, puisqu'on est avec Big V, Mike, non Mick, pas Mike, Mick, Drex et Mika, pour une émission musicale, vu qu'on a écouté un premier morceau de l'album de Drex qui sort samedi 1er décembre, hein, c'est très très très très bientôt. Et, c'est mieux que Noël. Eh oui. C'est beaucoup mieux que Noël. et on l'a vu, on en avait parlé juste avant, que c'est un petit peu ton style à un carrefour de plein d'univers, on trouve plein d'univers ouais, musicaux dedans. Et c'est déjà le cas dans ce morceau-là. Ah ouais, peut-être, ouais. Dis-moi, il n'écoute pas vraiment ce qu'il chante, hein, vous savez. Ce qui est plutôt surprenant. Ouais. Mais dis-moi, Drex, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer de la musique ? Déjà le fait d'en entendre, de l'analyser, de... Qu'est-ce qu'il y a ? J'allais dire pas le fait qu'il l'aime, en tout cas ça se saurait. Adorer le son et puis le décortiquer tout le temps, vouloir avoir mes propres trucs que j'écoute et puis me dire putain c'est moi qui fais ça quoi, c'est cool. C'est unique. Puis arriver à un niveau justement où je me dis putain j'arrive à... Enfin non j'y arrive pas encore mais espérer au moins arriver un jour à faire des trucs comme justement j'entends... aussi propre que ce que j'entends, quoi, que ce que j'écoute. C'est un peu ça l'objectif, quoi. C'est un peu ça, c'est ton premier album, donc tu es en constante évolution, même si, soit dit en passant, moi j'aime bien le résultat, le premier morceau j'ai bien aimé, et j'espère que les auditeurs l'ont aimé et aimeront les suivants. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, on est en direct le jeudi 29 novembre à 18h18, pour ceux qui veulent savoir si oui ou non on est bel et bien dans les studios. Et dis-moi Drex, tu crées tes morceaux dans quelles conditions ? Est-ce que tu commences par le texte, par l'instru, par une... ou tu sais par pas ? Par un gros pétard, ouais. Ouais, c'est un peu ça. En fait, ça dépend. Des fois, je vais écrire sur une prod de YouTube, par exemple, et puis faire l'instru après, et puis la caler dessus. Ou alors, bien souvent, je fais quand même l'instru avant et après le texte. Je commence d'abord, voilà, comme ça. Donc, t'as pas vraiment de... on va dire de pattern spécifique. Non, c'est un peu... c'est à l'intuition, quoi. Ouais, ouais. Par rapport au thème de tes textes, il y en a des... qui sont tes préférés ? T'as des thèmes de prédilection ou pas ? Je me fais charrier là-dessus par Big V, justement. J'ai rien dit, moi. Et parce que lui écrit beaucoup, hein, c'est quelque chose... Toi, les textes, tu affectionnes, Big V. Oui. Mais il a une très belle plume aussi. Hein, Merci. Notre ami Drex, il a une très belle plume... Plein de poésie, de sonorité, d'assonance, d'allitération. C'est très technique, cool. Des passages, vraiment, c'est véritablement. C'est, en tout cas, je te l'ai déjà dit, c'est une plume qui demande à évoluer, qui demande à prendre en maturité et autres. Mais en tout cas, techniquement, il y a déjà des très bonnes bases chez notre poulain. Pas pour ça qu'on lui a fait signer un contrat. Hein, sinon, il le voulait chez Universal, hein, même on l'a repéré en premier. Alors, Et cette plume, tu la trempes dans quel sujet ? Alors, les sujets... la vie, la mort, savoir pourquoi on est là, enfin d'ailleurs on s'en saura jamais, mais les questions qu'on peut se poser en fait quand on est un peu torturé comme moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont. Et ben il y a la réponse dans l'album, donc si vous cherchez c'est « Il y a quoi après la mort ?», achetez l'album de Drex, vous saurez. Voilà, vous saurez ce qu'il y a après la mort. Si vous avez des questions existentielles, toutes les réponses sont dans l'album de Drex, Dizo. Absolument tout, je réponds voilà, à tous les vos points questions. Dieu m'a aidé à faire cet album. Bah, tu m'as enlevé le mot de la bouche, puisque c'est ça, d'après ce que tu dis, c'est très existentiel. C'est beaucoup, ouais, beaucoup de ça, pas mal d'ego trip aussi, parce que bon, j'aime bien le rap ego trip, c'est rigolo. Je trouve ça drôle en fait. C'est un jeu. C'est plus un jeu qu'autre chose, ouais, l'ego trip. Je crois pas sincèrement que je sois le meilleur ou quoi que ce soit, mais j'aime bien le dire quand même parce que ça se fait beaucoup dans le rap et puis que c'est drôle. Bah, définis ce que c'est parce que ceux qui écoutent, c'est le grand public. Qu'est-ce que l'ego trip ? Alors, l'ego trip, c'est faire des phrases en fait plus ou moins abusées en fait pour dire que t'es le meilleur en fait. Sauf que c'est souvent des grosses exagérations. Ouais, c'est un concours de centimètres lexical. C'est exactement ça. Voilà, on va dire ça comme ça pour résumer un peu. Ouais. Concours de beat lyrical. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ça donne lieu parfois voilà, à des images, des métaphores, des figures de style. Des doubles sens, pour le moins, voilà, pour le moins savoureuses et truculentes, on va dire. Voilà. Est-ce que les faits de société peuvent t'inspirer ? Ouais, ça arrive, mais c'est assez rare quand même que je parle de sujets d'actualité. Parce que je considère que j'ai jamais assez de culture ou de savoir pour parler de tel truc ou de tel truc. Et du coup, je me dis que je préfère pas en parler plutôt que de dire de la merde, en fait. Pour l'instant, parce que j'espère comme qu'ils nous entendent chez Skyrock. comme tu disais, Big V, c'est que ça va forcément évoluer. L'univers, la plume de Drex, et ouais, on le disait, à ton premier album qui sort ce samedi, est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu pour les gens qui écoutent ? Est-ce qu'ils pourront venir fêter cette sortie d'album avec toi ? Alors... malheureusement, j'ai rien prévu pour le coup, mais il y aura les CD qui seront en vente au Middle à partir de demain et ce week-end en fait. Middle, dans premièrement. Ouais, bah dans les différents points de vente et au central points aussi, de vente point dans la vallée, vous pourrez en retrouver au Middle, vous pourrez en retrouver à Cornimont, au Tio, vous pourrez en retrouver, vous pourrez en retrouver un peu dans toute la vallée, dans les bars du coin, et puis sinon, bah n'hésitez pas à venir voir l'association, à venir voir un événement de l'association pour éventuellement prendre un CD ou nous contacter simplement sur internet. Pour qu'on vous envoie un CD, il n'y a pas de problème. La page Facebook MC Connection. C'est ça. Alors on dit connection ou connexion puisque... C'est connection. connexion. Tout à l'heure, toi, t'as dit connexion. C'est connexion. Il est 6h20, ouais, non, c'est connexion. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Si on doit parler avec un manager américain, c'est connection. Sinon, si on peut dire connexion, éventuellement, ouais. Donc c'est pour le premier album de Drex qu'on est tous là. J'ai envie qu'on s'écoute une nouvelle pause musicale, un morceau intitulé Véhicule, toujours de ton album Disso, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du nom de l'album, mais on va en parler juste après la pause musicale, si vous voulez bien. Donc Véhicule, tu l'as fait tout seul ou c'est en feat ? Tout seul celui-là. Bah, en fait, il n'y a que deux feats sur l'album. C'est celle qu'on vient d'entendre et puis une autre avec Miags qui était sur le morceau d'avant aussi. Alors, le véhicule, ou véhicule, pardon, qu'on s'écoute véhicule, tout de suite ouais. Et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, je veux pas vous parler de procrastination. Si t'écoutes mes sons, tu sais que je suis dans l'inaction. C'est pas que je veux pas, et c'est pas que je peux pas. Le temps passe trop vite et j'ai l'impression qu'il presse le pas. Wow, je me prends comme si j'étais moi il y a 6 ans. Et des fois, je ressens la vie donner froid. J'ai ces airs de percher. C'est normal, je l'étais bien avant tout ça. J'avais déjà l'avant-goumane, peu d'engouement pour l'enthousiasme. Des délires un peu bizarres, j'en sais qui dans la classe. Je m'en suis pris dans la face, on croyait pas toutes mes histoires. D'un côté, je peux comprendre qu'on me prenne pour un fou. J'ai déjà flotté dans l'air paniqué à 2 mètres de mes genoux. Comment t'as fait ? Mystère arrête tu sidane. C'est bien une drogue de merde, ça le dextrométhorphane. Rajoute un exéchit dans le bangan, Atrex dans le canapé. Du son dégueulasse et bang, l'âme commence à m'échapper. Merde, comment je fais pour revenir? Merde, comment je fais pour revenir maintenant que je suis sorti? Le corps n'est qu'un véhicule. Le corps n'est qu'un véhicule, je suis dans les airs, c'est pas désagréable mais ça fait peur, c'était pas prévu. Maintenant j'aimerais bien rentrer dans mon corps, s'il te plaît. Mon putain de véhicule. Ce truc est un véhicule. Ok, c'est bon, je suis à 2 cm. On va s'en contenter, je suppose que ça revient graduellement. Dans tous les cas, je pense pas que je puisse le faire manuellement. Et à ce moment précis, y'a peu de gens qui m'aident. Je suis tout seul dans les chiottes pour ce qui m'a l'air d'être une éternité. J'entends mon pote rire au loin, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Souffrance spirituelle, je suis vraiment super niqué. Quand j'y pense, j'aurais mieux fait de faire une foot battle. Sérieux, quelle idée. Y'a 5 ans, mon dealer c'était le pharmacien. Du sirop et deck, je ne me rappelle pas de la fin. Nique ces merdes, vive l'herbe, ouais, je te répète, nique ces merdes, vive l'herbe. Elle te posera pas de la pincelle là. Non, par contre faut pas faire la pincelle là. C'est ça le souci, si tu veux ton joint le soir, si tu veux fumer, si t'as besoin de ça pour dormir. Hey, yo. Merde, comment je fais pour revenir? Merde, comment je fais pour revenir maintenant que je suis sorti? Le corps n'est qu'un véhicule. Le corps n'est qu'un véhicule. Je suis dans les airs, c'est pas désagréable mais ça fait peur. C'était pas prévu, maintenant j'aimerais bien rentrer dans mon corps, s'il te plaît. Mon putain de véhicule. Ce truc est un véhicule. Merde, comment je fais pour revenir? Merde, comment je fais pour revenir maintenant que je suis sorti? Le corps n'est qu'un véhicule. Le corps n'est qu'un véhicule. Je suis dans les airs, c'est pas désagréable mais ça fait peur. C'était pas prévu, maintenant j'aimerais bien rentrer dans mon corps, s'il te plaît. Mon putain de véhicule. Ce truc est un véhicule. Ce truc est un véhicule. Mon putain de véhicule. Ce truc est un véhicule. Ce truc est un véhicule. Mon putain de véhicule. Ce truc est un véhicule. Véhicule de Drex, vous êtes toujours sur Radio Gemozo 107 FM dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez discuter avec nous, passez par la page Facebook Radio Gemozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Avant la pause musicale, Mika avait effectivement souligné le fait que les morceaux de Drex sont plutôt existentiels et j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu sur Véhicule parce que là, j'ai eu vraiment l'occasion de me pencher sur les paroles la seule. En même temps que vous. Ah, que c'est drôle! Et, et effectivement, ça a l'air plutôt existentiel, c'est un petit peu comme une expérience de vie en dehors de son propre corps. C'est ça, en fait, ça raconte un peu une sorte, enfin, ça raconte même carrément une sortie de corps, en fait, qui est arrivée. Bon, après, t'y crois ou t'y crois pas, je veux dire. Je vois Big V qui se fend la gueule là, mais. Donc mais tu parles un petit peu d'expérience de mort immédiate ou c'est encore autre chose? Non, c'est encore autre chose. Expérience de mort imminente, c'est carrément tu. Ah oui. T'es mort quoi. Enfin, t'as l'impression d'être mort en fait. Je l'ai déjà vécu, je pense, mais c'était pas ce coup-là. C'est pas ça que je raconte cette fois-là. C'est plus là, c'est carrément une projection astrale en fait. C'est-à-dire que tu sors de ton corps, tu te retrouves. 15 centimes d'euros la minute. Tu te retrouves, je sais pas, ouais, bah, comme je raconte, à peu près devant tes. Enfin, moi perso, je me suis retrouvé à peu près devant mes genoux, et puis. Ouais, je raconte à peu près la panique que j'ai ressentie au moment-là, surtout que c'était pas voulu. Tu peux le faire en le voulant. Après, c'est plus compliqué, là, c'était complètement non désiré, quoi. Ah, ça, c'est une expérience extrasensorielle dont tu parles dans un morceau de rap. Peut sembler assez inattendu, mais pourtant ça marche. Je sais pas si ça marche. Non, mais non, je veux dire le fait de parler de cette expérience dans un morceau de rap, c'est ça. Moi, je trouve très personnellement, je trouve que ça colle. D'ailleurs, si les auditeurs ont envie de le dire, j'ai déjà dit, je rappellerai durant encore l'émission le numéro de téléphone et la page Facebook. Quoique, si vous connaissez le nom de la radio, vous connaissez le nom de la page Facebook. Et il y a aussi le refrain qui est revenu, comme tu disais, le corps n'est qu'un véhicule. Le corps n'est qu'un véhicule, en fait, ouais. C'est aussi quelque chose d'important pour toi si tu. Bah, oui, c'est le refrain, donc c'est le corps de ton texte ou la base. En fait, si je dis ça, c'est parce que je pense. Bah, déjà, je pense qu'on a une âme et que cette âme, c'est plus nous que le nous de la vie quotidienne normale, enfin, dans la vie dans laquelle on a incarné dès qu'on se réveille le matin, en fait. Je pense que. Et ce corps, c'est le véhicule de notre âme. C'est grâce à ça qu'on peut se balader sur cette terre et faire des trucs. Sinon, on est dans l'autre monde, quoi. Avec d'autres âmes qui sont pas incarnées encore, ou qui ont été, ou qui le seront, je sais pas. Ça, c'est ton approche. Alors, je sais qu'au sein de l'association MC Connection, parce que j'ai envie de la prononcer comme ça, surtout vous l'heure, et au cas où Jay-Z nous écoute, hein, okay, on ne sait jamais. Je passe le bonjour. Il y a différents, on voit bien hein, qu'il y a différents types de profils au sein de l'association, différents types d'artistes qui ont leurs propres univers, et j'imagine que c'est ça, Big V ou Mick, hein, vous pouvez répondre tous les deux, qui fait la force de cette association. On retrouve de tout, chacun a son style. Chacun a sa petite marque, touche. Sa petite touche de fabrique. Et Louis, c'est un Drex. On va pas de griller à l'antenne. Drex, lui, il est musicien. C'est lui qui nous fait maintenant pas mal de prod et autres. Et à force de faire des trucs tous ensemble, chacun connaît un peu l'univers. Et on sait que quand on vient avec un texte, lui, il va nous faire. Il sait ce qu'on aime, ce qu'il nous parle musicalement, et on sait ce qu'il peut lui parler textuellement, et donc du coup la collaboration se fait comme ça. C'est lui qui va un peu mettre le chef d'orchestre musicalement, et puis chacun vient avec sa petite sauce, où on peut très bien aussi écrire des morceaux tous ensemble en prenant une thématique commune, et puis on gratte dessus, chacun fait à sa sauce. Là, on a fait un morceau là récemment, Mille et une raisons, par exemple. Ouais. Chacun, on a pris une thématique, Mille et une raisons, et chacun gratte ses quelques vers comme ça à propos de cette thématique, en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il a envie d'exprimer, de comment il est sur la musique aussi. Et c'est ça qui fait un peu la force de l'association, c'est que une fusion. Chacun a un peu son super pouvoir entre guillemets. C'est ça. Et voilà, c'est comme les Power Rangers, sans le collant en lycra, mais il n'y avait pas notre taille malheureusement. Mais c'est ça, chacun a son super pouvoir, et puis Louis, c'est un peu la force. La glu. C'est lui qui va colmater un peu tout ça, en proposant des instrumentales, en apportant un habillage, en réalisant le mastering, le mixage des morceaux. Yes. Et donc c'est un peu la force de l'association, avec notre producteur aussi, qui est Mr. Mike Del Mike, qui est toujours là aussi pour orienter artistiquement, on va dire, ce qui se produit dans le studio, dans le bunker. Et c'est un travail d'équipe, un travail collégial avant toute chose. Et puis on fait ça sans se prendre la tête, c'est avant tout pour s'éclater. Tout le monde amène sa touche Et on fait pas ça pour faire du pognon ou quoi que ce soit. C'est pas avec les 500 000 albums que tu vas vendre, Louis, on est d'accord. C'est ça. Donc non, purement par passion. Tout simplement, c'est une passion avant tout. Et puis si on peut avoir l'occasion de sortir un ou deux disques, comme il vient de le faire Louis, tant mieux, autant en profiter. Mais carrément. On veut pas faire la Star Academy du rap, nous c'est pas du tout le sujet. Non. De pouvoir rester, faire les choses comme on l'entend. Et puis insister sur le fait aussi que notre album là c'est un produit 100% local. C'est enregistré à la maison de notre studio local. Les instrus, c'est notre ami Drex donc qui a fait toutes ces instrus tout 100%. Seul. 100%. Et même les CD ont été pressés. Dans les Vosges à Saint-Dié. Donc voilà, un produit, on aurait fait un peu, on serait bougé le cul, on aurait pu faire la demande de subvention, je vois la vie en Vosges, moi je vous l'avais dit, mais bon. Tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Donc un album 100% Vosges pour ton premier album, Drex, intitulé 10-0. On avait hésité à mettre une photo du petit Grégory dedans dans chaque album, mais on n'a pas utilisé en droit encore. Non, c'est une connerie. Et à ce propos, avant qu'on s'écoute une pause musicale suivante, j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu sur le titre de ton album, qui est aussi le titre d'un de tes morceaux qu'on écoutera plus tard, qui d'ailleurs sera le freestyle de la soirée. Pourquoi 10-0? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est encore un truc de perché. Oh bon. C'est quand on vit quelque chose de traumatisant, en fait, l'esprit se dissocie. Et justement, il y a encore ce côté projection astrale, parce que tu te retrouves à t'observer d'un plan extérieur, en fait, d'un œil extérieur. Et puis, c'est comme ça. On retrouve un peu ça dans l'album. Même dans tous les sons, j'en parle de dissociation. En fait, la dissociation, c'est ça, c'est dès que tu vis un truc qui est vachement traumatisant, ça va te... tu vas sortir un peu de ton corps, quoi. Ou de toi, sortir de toi. Oui, c'est ce qu'on appelle plus communément l'état de choc, et tu as mis d'autres mots dessus, ou tu as aussi ouvert un plan astral. Non, c'est pas l'état de choc, c'est plus qu'un état de choc encore. Enfin, c'est plus poussé, parce que c'est après t'as par exemple le stress de syndrome de stress post-traumatique, ouais. Truc comme ça pour les vrais traumatismes, quoi. Truc qui tu peux pas arrêter d'y penser, tu n'arrives pas à dormir, truc comme ça, quoi. Des choses sur lesquelles tu mets des mots à ta façon. Non, je suis pas sûr que ce soit mes mots à moi. Enfin, oui aussi, mais après j'essaie de parler avec les mots justes, on va dire. Bien dit, donc on a hâte d'écouter ces mots. Donc pour ceux que ça intéresse, le freestyle d'Isso, c'est vers la fin de l'émission, donc restez à l'antenne, on est là jusqu'à 19h environ, si tout va bien. Bon, on va s'écouter un autre morceau intitulé Port, à moins que Mika tu aies quelque chose à demander en particulier. Après, on va écouter ce morceau que tu as... Le port. Allez, Zou. Le port PORC. Oui, le oui, port... Oui. Le port. Eh bien, c'est ce qui sera identifié dans le morceau, justement, qu'on s'écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après. Exclure, putain de décimé, Cotoreb, excuse-moi, j'suis enfermé jusqu'à l'idée dans mes illusions. J'foule plus qualité, même à l'idée. Ma qualité, c'est de faire s'agiter les mammifères. J'oule, je laisse toi faire, fais tourner même à tes enfants, c'est pas pire que de faire confiance à Mickey. Putain, d'ailleurs, à presque tout le monde, si j'suis tout le temps ailleurs, c'est que j'en ai marre de ces bouffons. J'te parle pas de mes proches, bien entendu, j'parle des moutons qui sucent les lèches, banane tendue sans les roustons. Bref, j'suis pas mieux, moi aussi j'consomme. J'connais pas les hommes qui apprécient le confort, mais. D'un côté c'est mal, d'un côté c'est sale. Si tu penses au fait que t'es qu'un petit con de porc. Ah, sale cochon, tu t'écoutes, je me dégoûte. Tu m'écoutes, prendre une goutte, ça te reboot. C'est vrai, ouais. Nice. Vive ça, mes nerfs optiques clash, big nan le clash, je vois des théories sales, des fractales barges. J'ai découvert qu'en fait on était des pistaches, soulever des cristaux, mon gars y'en a qui se tâche. Mets deux sur la pisto, en bas y'en a qui se bâche. Dis j'avance, mais sache que la lit tâche, tes neurones casse-toi, me fais pas la bise, vache télé. Retourne à ta télé, BFM c'est les, moi j'peuve pas, j'm'élève, foot basse, fais-les, élève putain, mais fais les choses bien gros, j'pénètre, le beat sans peine, c'est le best in salade. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez discuter avec nous, comme d'habitude, page Facebook Radio Gamozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40, toujours avec Mika, Big V, Mick et Drex pour yep. La sortie de ton premier album, Disso, qui sort samedi 1er yeah. Décembre, pas que je me trompe de moi. Vous ne le trouverez pas à la FNAC. Hein. Non, que chez Virgin Megastore. C'est drôle, ça n'a pas fermé ça. Ah peut-être, ah, si, ouais. On a réussi à les faire rouvrir uniquement pour les 500 000 abonnés, les premiers albums. Ah bah décidément, vous êtes très fort. On a de l'influence, hein. Beaucoup d'influence. Le bras long. Et le morceau qu'on a écouté à l'instant, c'était Le Porc, donc, l'animal, le porc. Littéralement. Qu'est-ce que ce morceau représente? Est-ce que c'est le dégoût vis-à-vis d'une Ouais, c'est ça, c'est le dégoût vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis de toutes les conneries qu'on peut faire. Enfin, c'est le ras-le-bol en fait de... On a tendance à se penser supérieur aux animaux alors qu'en fait on est pire, on est largement pire en fait. On est vraiment des merdes, donc... Il n'y a qu'à regarder W9, hein. Voilà, ou Énergie 12, Les Anges, tout ce que tu veux, ce sera... Voilà, pire que ce qui se passe dans la jungle, entre les tigres et les gazelles. Ne pensez pas très loin de l'antispécisme, alors. Antispécisme. Oui, c'est quand tu considères que les êtres humains et les animaux sont sur le même plan, sont égaux. Presque. Presque, parce que pour moi, une âme a la même valeur qu'elle soit... dans un chat ou dans un humain. Après, je suis un peu paradoxal dans ce raisonnement-là parce que je bute des araignées souvent, donc je me dis, ouais, bon, je suis un connard quand même. Voilà, bon, peut-être que l'âme de l'araignée, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, moche, c'est sûr que tu ne deviendras jamais Spider-Man. Voilà. Ton nom de scène, tout à l'heure Lou t'a demandé le pourquoi du nom de l'album. Alors Drex, moi quand j'ai cherché dans mon moteur de recherche, je suis tombé sur un grand black, pas sur un petit blanc. Ah merde. Alors Drex, ça vient de Dana Drex. En fait j'étais fan de Breaking Bad et j'ai regardé dans le procédé de fabrication de la méthamphétamine. Et il y avait l'Anna Drex. Et du coup, je me suis appelé Anna Drex parce que je trouvais que ça claquait. Mais c'était à l'époque où je faisais du dubstep, en fait. Dubstep et puis son teuf. Du coup, voilà, Anna Drex, ça claquait. Pour aller sur le rap, du coup, j'ai contracté un peu avec mon deuxième prénom. Ça a donné André X, que j'ai encore raccourci en Drex, du coup. Tu savais qu'il y avait un rappeur américain, hein, apparemment, qui s'appelle Drex, qui s'écrit comme toi, D-R-E-X. On va lui mettre un procès au cul, ce mec-là, je te garantis, moi. C'est qui, ce plagieur, là? Alors non, je savais absolument pas du tout. J'avais pas vu. C'est un torche-merde. On parlait tout à l'heure d'Internet, hein, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de se procurer ton album. On a parlé des différents points de vente, les bars un peu partout dans le secteur. Sinon... Oui, d'ailleurs, bah, les adresses des bars et des endroits seront mis sur notre page Facebook MC Connexion 88. Mais toi, Drex, tu n'as pas de site ou de page FB, rien que pour toi. J'ai un SoundCloud sur lequel il y a plus d'instrumental et de son teuf qu'autre chose, mais j'ai quand même un SoundCloud et c'est Anna Drex, justement, du coup. Par rapport alors, au rap en général, vous l'avez déjà évoqué depuis le début de cette émission, les featuring, c'est-à-dire les collaborations avec d'autres dans les morceaux, c'est quelque chose qui est important, qui est presque... un passage obligatoire quand on fait du rap. C'est le cas pour toi sur cet album, hein. On a parlé de La Fine Gâchette ou de Miags. C'était essentiel. Le rap, ce qui est super cool dans le rap aussi, c'est le partage, en fait. Et quand tu fais une session freestyle avec tes potes, c'est juste énorme, quoi. Il y a un kiff qui est superbe. Du coup, faire un feat, bah, c'est avoir un morceau que tu pourras faire après... avec tes potes et que tu pourras backer, enfin dire les fins de phrases de tes potes. Après, chacun connaît ses textes. C'est génial de faire des feats, en fait. C'est plus qu'obligatoire. C'est juste que c'est trop kiffant. Alors forcément, on le fait, quoi. Et au-delà de ton album, tu as participé sur ceux des copains. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'album de copains, mais on a fait une mixtape et on était tous dessus, ouais. Quand tu dis tous, alors c'est alors, notamment ceux qui sont présents ici. Big V qui est présent ici, et puis bah, Miags et La Fine Gâchette qui n'est pas présent ici. Et Solo. Solo n'était pas sur la première mixtape. Ah oui, sur la mixtape, non. Les quatre premiers, oui. Vous disiez que vous enregistriez à la maison. Alors, c'est où la maison? Vous avez votre propre studio? Ouais, bah, c'est chez moi, c'est à Saint-Amy. Un petit home studio voilà, qui nous permet d'enregistrer quand on en a envie, à l'heure qu'on veut. C'est le Michael Studio. Voilà, le bunker, quoi. Et ça permet d'être autonome et puis de pas être obligé de payer une location de studio, de pouvoir avoir aussi la direction artistique qu'on veut amener à nos projets aussi. Pour nous, c'est indispensable, de pouvoir avoir cette liberté-là aussi, ouais. D'accès, cette facilité d'accès, cette liberté de création et de ton, entre guillemets. Et puis comme ça, on fait vraiment tout nous-mêmes, quoi. Ouais, on n'a pas à payer des mille et des cents des mecs, voilà, quoi. Voilà, on est dépendant de personne. Et les auditeurs, hein, vont se faire leur propre jugement, ils ont déjà entendu quelques morceaux, je pense que Lou va encore en passer au moins un. Le son, moi, je le trouve propre. Tout à l'heure, tu disais, Drex, que tu espérais aboutir à un son aussi propre que ce que tu écoutes. C'est le cas, non? Je sais pas. Faut me le dire, en fait. Bah, merci déjà, mais je pense pas que ce soit aussi propre que ce qu'on écoute encore. Ou alors, je sais pas. Je suis peut-être trop perfectionniste encore, mais Il y a encore, d'après vous, des améliorations là-dessus ? Ouais, toujours. Ça peut toujours être plus propre. Il y a toujours de l'évolution. Vous êtes quand même satisfait ? Ah oui. Voilà, en un an, il y a eu beaucoup de... Faut voir le chèque à la fin, quoi. C'est satisfaisant, quoi. Mais après... D'ailleurs, tant que j'y pense, on a parlé de là où on peut trouver l'album, mais on n'a pas trop parlé en termes de prix, parce que c'est peut-être important pour les auditeurs. Ah oui, alors l'album, il est à 8 euros, et il y a 16 titres, parce qu'en fait, j'ai fait le choix de ne pas mettre la tracklist à l'arrière de l'album. Y en a qui diront que c'est peut-être une connerie, mais en gros, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans, et directement, c'est un peu l'album mystère. Du coup, tu sais que quand tu l'ouvres, il y a du coup 16 tracks. Que quand tu l'achètes. Ah bah, voilà. 16 tracks, l'album dure une heure et puis il coûte 8 euros, voilà. C'est un bon investissement. C'est moins cher que sur certaines plateformes de téléchargement à 1 euro le titre. Énormément de travail et de cœur là-dedans, du coup, voilà. Oui, ce qui se comprend. D'ailleurs, comme tu as dit, un album mystère, j'ai envie de rebondir là-dessus, que les éditeurs sachent aussi quel album repérer. Visuellement, tu as dit que c'est un peu l'album mystère et je suis d'accord avec toi. Je vais peut-être le décrire pour les auditeurs. En fait, déjà, on voit un petit en bas Parental Advisory Explicit Content, comme ça vous savez à quoi vous ne en venir. Ne le faites pas écouter à vos enfants. Et en tout cas, sauf sur s'ils la... sont morts. Sur la première de couverture, il y a un fond noir avec des X, 10 et un O barré, tous en rouge sauf un qui est en blanc. Qu'est-ce que ça représente en fait ? C'est juste le titre de l'album qui est écrit ou il y a encore une autre symbolique derrière ? Non, je vais pas mentir, il y a aucune symbolique, c'est juste que c'est X, donc moi, 10 O. Voilà. Et voilà, tout simplement. Il y en a un qui ressort juste parce que c'est plus beau en fait. Ou pour que ça ressorte mieux. Après, aussi. J'aurais pu dire libre interprétation, il y en a une, mais je ne la dis pas, tu vois, mais non. Tu pouvais, dans tous les cas, en parlant d'interprétation, on avait dit qu'on prévoyait de faire, enfin que vous vouliez faire un petit freestyle courant de l'émission, et oui, l'heure tourne, donc le temps est venu de faire le freestyle, si vous vous sentez prêt. Ouais, je suis chaud. Il y a les garçons. Ah, nickel. Alors, pour les auditeurs, restez accrochés parce que cette fois, vous allez entendre un morceau en live. Yeah. En plus, le morceau titre de l'album 10O, interprété par, en tout cas, Drex. Est-ce que Big V et Mick vont participer ? Ah non, nous, on sort rien. Non. Regardez, puis on se désolidarise totalement aussi, d'ailleurs. Ah bah, bravo la bande de copains. Alors, c'est 10O. Drex, tu me dis quand t'es prêt que je lance la musique. Je pourrais juste te dire pour le volume du son. Oui, tu me fais signe, simplement. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'on n'est pas exactement dans la même pièce, il y a une vitre entre nous. Nous sommes en direct. Et oui, en effet, on est en direct, donc parfois, il faut communiquer différemment avec les techniciens. Enfin, si t'es bon, on est parti. Je pense que c'est bon, ouais. Allez-y, donc c'est 10O. My lover never see me if you smoke when you pass. I die in here if I don't move my ass. Can a beer, don't need a glass. Can a bass, my lover never see me if you smoke when you pass. Souvent les gens ne me sentent que très peu. Normal, je suis bizarre, t'as pas l'habitude. Tu te demandais l'envie, te prend de voir clair. Dans mon jeu, mais ça l'est déjà, y'a des bugs dans mon attitude. Tu n'en verras pas plus, non. Dans mon cerveau, c'est le flou complet. Je suis fume complet dans le trou, je veux du flou scampé. Des bonnes choses dans le four, des billets pour un vol sans retour. Regarde en l'air, lève les bras, fais-moi des signes. J'pars à la rencontre de la lumière, bye on me désigne. Ouais, j'ai vu des signes et j'ai reçu des messages. On m'a bien fait comprendre que j'étais pas assez sage. 30 secondes sur ta gueule, tu sais plus quitter. 30 secondes avant t'étais juste un humain. 2 minutes après c'est le vide comme si t'avais plus d'idée. 2 minutes avant t'étais convaincu que tout se passerait bien. L'expansion de ma flemme est proportionnelle à celle de l'univers. J'crache ma flamme, j'essaie de me défaire ce putain de Lucifer. Louis est bon mais Drex is bad. Anna Drex est fade et pas de sieste. 50-50 dans ma tête, en tout temps dans ma tête. C'est le bordel dans ma tête, c'est 10O. J'suis pas dans ma vie, j'suis déçu. Je crois que j'viens pas d'ici. J'fais une trappe alien, j'rappe dessus. J'remplis toujours un peu le dossier. Comme ça j'oublie tout ce qui me fait chier. J'accumule un tas de fichiers. Des trucs sympas, des trucs grossiers. Hey. Yeah. Johan, baissez un tout petit peu le micro. sans vouloir faire la victime. J'ai vécu des trucs qui abîment, loin d'un good dream. Parfois t'as le seum, ta mémoire efface des trucs cool. Je supporte plus le superficiel, dégage ta bouche en cul de poule. Je me sens putain d'oppressé dans une foule. Si t'en as marre, sois pessimiste, écoute l'autre pute Joule. Qu'est-ce t'as branlé de ta soif de liberté? Pourquoi tu te contentes d'un système qui nous bute lentement? Suce 30 glands jusqu'au jus, branle-en. T'es pas loin d'un prolapse tellement tu t'en prends. Le système nous met des super godes, transforme en connard tes super gosses. Fais des heures sub boss, fais plaisir à ton boss. Baisse les yeux comme dans Case Départ. Tes erreurs tu les paies, on brandit l'épée. On te rabaisse dès le début, t'es censé tout savoir. Je veux faire ce que j'aime et générer de la maille. Je fais pas du rap pour pénétrer des cavités. Pas comme cet abruti de l'île pump en manque de mouille. J'ai une personnalité et des qualités. Je suis le milieu parfait entre un sage et un cabri. J'ai faim de liberté, de vérité, de salami. Je demande rien d'autre que des vacances à Capri. Avec ma suite pastis, la nuit chill de salamandre et c'est la mode. Chacun pour sa face, mais sachez qu'faut qu'on se réunisse pour que des choses se fassent. Drex froid comme glace, tête dans les fesses en tout temps. Souvent c'est la hesse et tout l'agace. Je suis pour la paix à la base, mais j'ai trop de haine. Des fois je dis jonkman, des fois je me trouve le zen. Je discute même pas avec toi si t'es pour le pen. Ça n'en vaut pas la peine, je te fous direct à la peine. Yeah. I die in here if I don't move my ass. Can a beer, don't need a glass. Can a bitch, my love, I never see me refuse smoke when you pass. Hey. Can a beer, can a bitch, never Rex, Disso, dispo après-demain. Tchè. Pou pou pou. Bravo. Yep. Susu. Prop. Ya ouais, merci. Et ouais, le petit freestyle de Drex à l'antenne en exclu. J'imagine que c'est une première en plus pour Drex en radio. Celle-là, ouais. Après, on avait déjà rappé un peu avec Big V quand il faisait l'émission sur écoute. Yes. Du coup, ici aussi. Peut-être même. Non, ici, j'étais là. À côté, juste à côté. En tout cas, très content d'avoir pu t'entendre en live. C'est content aussi d'avoir encore pu rapper. Yes. Je sais pas pourquoi je parle en anglais maintenant. Ça y est, tu m'as contaminé. Yeah. Vous m'avez tous contaminé. C'est la classe à l'américaine. C'est la classe à l'américaine. Great. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que Mika et moi, on a pu avoir un petit concert privé. Est-ce que tu as prévu une petite tournée, des petits concerts, des choses comme ça? Alors, j'aimerais bien trouver des dates à faire, mais pour l'instant, j'ai rien. Mais je prends tout ce qui vient. Mais du coup, il faut que je recherche un peu où me produire un peu. Ah, tu finiras bien par trouver. J'imagine qu'on peut-être lancer un appel s'il y a quelqu'un qui veut, qui a une salle pour faire un concert. Hein. Carrément. Hein. Et j'imagine aussi qu'il y aura Drex, mais j'imagine qu'il y aura aussi toute la bande de MC Connection. Ouais, Connection, en principe. Du coup, le collectif s'appelle maintenant le Fond du Crew. Le Fond du Crew. Le Fond du Crew. Suite à une mutation. Ça, le nom du collectif. Donc ça est toujours en lien avec l'association. En fait, le Fond du Crew, ça sera juste les rappeurs. Ça sera le collectif qui s'appellera comme ça. Voilà. Ah, et après, il y a l'association qui gravite. L'association qui reste à proposer, effectivement, voilà, toutes sortes d'événementiels qui gravitent autour de la culture urbaine. Mais voilà, après, on va dire que le Fond du Crew, ça sera l'émanation musicale de MC Connection. Quoi. Donc MC Record, c'est le studio, et le Fond du Crew, c'est le crew. Voilà. Alors, c'est pour les droits juridiques vis-à-vis des placements à l'international. C'est plus facile pour nous, c'est beaucoup plus facile avec notre compte au Caïman et autres. Donc. À Saint-Pierre et Jersey, tout ça. Disso, le morceau qu'on vient d'entendre qui donne le nom à l'album. C'est ça. Est-ce que c'est, d'après toi, celui qui porte cet album? Est-ce que c'est ton morceau préféré? Je dirais pas que c'est mon préféré, mais c'est un de mes préférés. Ouais. C'est sûrement un de mes préférés parce que je pense que sur l'album, c'est un des mieux mixés. C'est un des plus propres. Et puis, j'aime bien l'ambiance sombre du machin, quoi. C'est pour cette raison, notamment l'ambiance sombre, que tu as choisi que ça soit celui qui donne le nom de l'album, c'est pas rien. Ouais. Parce que j'ai remarqué que ça résume bien. Je trouve que ça résume bien l'univers de l'album et mon univers à moi aussi dans ma tête un peu en ce moment. Quoi. J'aimerais qu'on en revienne au texte, puisque vous l'avez remarqué, ce sont des textes en français, à part à la fin un petit peu d'anglais, mais sinon c'était délibéré pour toi que ça soit en français, ça n'aurait pas pu être en anglais, et pourquoi ? Alors, bah, déjà, c'est super chaud d'écrire en anglais. Je suis vraiment une brêle pour écrire en anglais. Le refrain, il veut rien dire, c'est vraiment de la merde. Non, je me vends très mal. Non, ça va, le refrain passe. En fait, non, je préfère écrire en français parce que c'est plus simple pour les niveaux des rimes, du vocabulaire. J'ai beaucoup plus. Écrire dans une autre langue, c'est quand même la galère. Il y a Damien là en ce moment qui essaie d'écrire en espagnol. Ah merde, Big V, excuse-moi. T'écris pas, frère, écris pas. C'est pas évident d'écrire dans une langue qui est pas la sienne, effectivement. Et puis ne serait-ce que simplement quand on va utiliser des images et autres en français, double sens, voilà, on n'aura pas du tout le même impact. Des expressions qui passent pas, qui existent dans une langue, qui n'existent pas dans une autre, par ou exemple. Ou simplement faire des allusions à un fait d'actualité ou autre qui passera pas forcément en anglais ou en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand ou autre. Donc toute la difficulté, effectivement, même quand tu veux écrire dans une autre langue, il faut essayer de faire quelque chose de percutant quand même, qui soit entre guillemets international, on va dire, quoi. Internationaliste, on va dire. Choisir le français, c'est aussi choisir la transmission, se faire comprendre pour sûr, ou en aussi, tout cas... On y vient. C'est aussi pour ça, du coup, c'est largement aussi pour ça que je... Également, en revenir au visuel, tout à l'heure Lou te posait des questions dessus, elle l'a décrit. J'aimerais que tu nous dises si tu l'as créé. Ah oui, la pochette de l'album. C'est toi ? C'est moi et Mick pour tout ce qui est. Alors, l'arrière, c'est Mick Café. On a travaillé à deux dessus, on s'est mis à deux et puis. Et ouais, on s'est mis à deux. Sinon, l'intérieur, bah, c'est tout moi avec mon téléphone et petit appareil photo. Voilà. Je me suis débrouillé, quoi. C'est du fait maison. Petite photo des Vosges mis en mode martien à gauche. Si vous l'achetez, vous verrez. Si vous l'achetez, vous verrez. Voilà. Est-ce que c'est indissociable le visuel des textes et des morceaux ? Est-ce que pour toi c'est aussi important ? Bah, fallait que le visuel de l'album soit dans le même univers que les sons, en fait, dans la même couleur. Sombre à l'extérieur et à l'intérieur plus coloré. Plus coloré, mais quand même légèrement sombre et alien, quoi. C'est aussi les arts urbains, c'est ce que MC Connexion propose. Tu graffes ? Vous graffez aussi dans la société ? Oui, non, mais non, on touche un peu à tout, donc après on a les connaissances. Vous touchez un petit peu à tout, et pour ceux qui veulent voir un petit peu tout ce que vous faites ou tout ce que vous avez fait, c'est déjà sur votre page Facebook MC Connexion. Et on peut écouter aussi vos sons, je crois que vous avez une chaîne YouTube MC Records. Si MC Records sur YouTube, ouais. C'est ça, ouais. D'ailleurs, on a sorti un clip il y a deux jours, un clip vidéo monté par nous de Disso. Mais oui, justement, c'est vrai que je l'ai regardé, mais on a oublié d'en parler. Ouais. Est-ce que tu, ça, c'est une première aussi pour nous, donc voilà. Ouais. Donc pareil, du fait maison. Ouais, bah, mixer, amusé à faire un petit clip voilà. Pour Disso avec des rushs qu'on avait de soirée, d'enregistrement, de répète, ouais. Truc. Oui, parce qu'on voit vraiment l'intérieur du studio. Oui. On voit, alors je crois, les ordinateurs avec les montages, je crois la table de mixage, on voit un mur aussi avec de la mousse pour insonoriser. Enfin, ouais, ça c'est le studio, vraiment, c'est le nouveau studio de la maison mère. Voilà. Alors le clip de Disso qui est disponible aussi sur sur la chaîne YouTube MC Records, oui. Là où on peut trouver un petit peu aussi tout le monde, voilà. Oui, les morceaux de tout le monde, et la page Facebook MC Connexion où on trouve les actualités et les événements si jamais on veut vous retrouver, on veut vous voir. Parce que je le rappelle, hein, y a ton album Disso qui sort samedi 1er décembre. Excusez-moi, c'est des choses qui arrivent en direct et qu'on trouve un petit peu partout, hein, dans les bars, comme vous l'avez dit, je crois que c'est Ludwig. Il y aura le PC Armiremont, le Middle aussi Armiremont et le Pago à Cornimont déjà dessus. Et il y aura sûrement d'autres endroits qui seront marqués aussi sur la poche Facebook. Oui, sur la page Facebook qui sera identifiée avec le podcast de l'émission. Et oui, on voit malheureusement que le temps défile et ça va bientôt être, hélas, le moment de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir pour de bon, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Et puis, après, les auditeurs ont l'habitude. Alors, prochaine émission, c'est 20h, Memento Mori, jusqu'à 22h. En effet, t'avais raison, Big V. Puis, 23h, minuit, Rock à la Casbah. Musique jusqu'à demain matin pour la rediffusion du podcast de l'émission que vous aurez l'occasion d'écouter vendredi 30 novembre de 7h à 8h. Puis, Les Secrets de Mathilde à 8h. Et 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre le podcast ou qui ont envie de le retrouver à n'importe quel moment de la journée, il sera disponible dans la soirée, donc jeudi 29 novembre au soir, sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo, et comme je le disais, au moins sur Facebook, la page de MC Connection sera taguée. Dans tous les cas, c'est aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation fonctionnent. Comme ça, j'ai fait un petit peu le topo sur le podcast. Et sinon, on se retrouve demain, vendredi, 18h-19h. Mika, dis-moi, qu'est-ce qui se passe vendredi ? Billet de sortie ! Yes ! Petit florilège, comme d'habitude, d'annonces, d'interviews par téléphone, de petites annonces et de musique choisie avec soin. Et d'ailleurs, je pense que je passerai du Drex aussi dans mon émission, comme j'ai l'habitude de le faire avec les petites nouveautés. Enfin voilà, donc on se retrouve demain soir pour savoir ce qui va se passer le week-end et la semaine prochaine dans le secteur. Dans tous les cas, Mika... Comme d'habitude, merci. Merci. Big V, Mick et Drex, merci aussi beaucoup. Merci à vous, c'était super cool. Ouais. Merci pour tout. Ben, c'était réciproque et continue comme ça. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur pour ton CD. Merci. Et puis les auditeurs auront l'occasion d'écouter d'autres morceaux. Il faut du courage aussi aux auditeurs. Et merci aussi pour votre bonne humeur, c'était très précieux. Je suis sûre que les auditeurs ont apprécié. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Et je souhaite aussi une belle soirée aux auditeurs. Rendez-vous demain, même heure, sur le 107. Ciao. Ciao, ciao. Bye.